Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis. Une autre semaine commence en ce lundi 26 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Enchanté, François Olivier. Enchanté. Vous allez bien? Oui, ça va bien, toi? Vous avez passé une belle fin de semaine. Non, toi, tu commences directement le tutoiement. Tutoyage! Tutoyage! Ben, t'es donc même pas poli. Ta face me revient assez matin, là. Elle se roule dans la bouche. Elle me roule dans la bouche. Elle me lève le cœur. Oh, ben, Caroline, c'est beau à entendre. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, à l'émission, François, on a Véronique Mire. Ben oui! Ben oui! T'as dit! Quelle belle transition de sujet, toi! Véronique Mire qui va être là pour le synchronique du bureau de la réussite étudiante à partir de 8h tout à l'heure. Truc, conseil, réussir ses études, ouais. Chose primordiale, excellente chronique, Véronique Mire. Wow, hein? C'est comme un slogan, mais très très long. Ouais. J'ai voulu résumer sa chronique. OK, ben t'as réussi. À 8h30, essaie de me résumer la chronique d'Alexandra Carignan. Alexandra Carignan. Or en barre. Ouais. Exactement. Écoute, that's it. Voilà. J'ai fait ta job. Ben ouais, c'est ça. De l'or en barre. C'est le temps d'une culture à 8h30. On va aussi faire la chronique Geek CNX avec là-dedans un paquet d'affaires, dont des gifs historiques. Des gifs animés, là. Et une chaîne. Les premiers, j'imagine? Ouais, c'est ça, les premiers. Là, les premiers du... Non, c'est pas vraiment ça. C'est, hein? On reprend des événements de l'histoire et on fait des gifs avec ça. Un peu comme, mettons, tu sais, les Beatles qui traversent la rue. Là. OK. C'est bon, genre de choses, mais en gif animé. Et aussi de l'art, des peintures, en fait. Ça ressemble. C'est comme reprendre des peintures, mais les faire avec un fer à repasser sur des couvertes. Hey, j'ai vu ça. Parce que je gueule la femme. Pas vu ça à vlog, toujours. Là. Non, si ben. Si t'as peur, si t'as vu ça à vlog, là, je le ferai. Non, j'ai pas vu ça à vlog. J'ai pas écouté vlog, mais j'ai vu ça à quelque part. Facebook. Ça c'est pas. Et une chèvre dubstep, voilà. Donc on fera ça dans une la collection. Chèvre dubstep. Ben, c'est normal, hein. On fera aussi, c'est un fait, Regular Edition. Voilà. Donc c'est l'émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on va passer un bon petit moment, un bon petit 2 heures ensemble. On est ensemble jusqu'à 9h. Yeah. Comme à tous les jours. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Commence, et Mathieu, avant que tu débutes, en fait, ce lundi, qui te semble, ma foi, normal. Ressemble vraiment à un lundi, étrangement. Mais il est pas normal. Non, c'est le dernier de novembre. Oh! Après ça, écoute, on entame le sprint vers Noël. Pas December, déjà? December, déjà. Hey, ça va vite, quand même. Elle passe vite, cette session-ci. Ça veut dire que Movember va être terminé. Et ça veut dire plus de moustache dans ma face. Je connais pas. Mais dans la face de tous les suiveurs. Ouais, il devrait plus en avoir. Il devrait plus. Il devrait plus. Ben, c'est lit. Non? Pas si pire que ça. Ben, comment ça, t'en as pas de bord? Non, mais je trouve ça drôle. En fait, je rencontre des messieurs, on va se le dire. Des hommes. Parce que, ouais, c'est déjà arrivé quelques fois que j'ai rencontré des dames avec une drôle de moustache, mais les dames, je riais pas. Non? Mais les messieurs, tu sais, un sourire, puis en fait, je trouve ça amical. C'est charmant. Hein? Charmant. Non, mon ancienne voisine avait. C'était pas vraiment une moustache qu'elle avait, c'était vraiment une barbe complète. Et tu sais, elle était comme super size un petit peu, tu sais. OK. Donc, t'avais vraiment à l'année longue. Beard. Ouais, à l'année longue. C'était comme. C'était Movember, pardon. C'était comme ça. Movember. Commençons avec une pièce de mélange à moustache, tu sais. Ça fit bien dans la discussion, je trouve. Ouais, c'est vraiment. Voici leur pièce, Roméo et Joliette. C'est un jeu. Joliette. Assemblage requis jusqu'à 9h. Que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, Lafayette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. De laisser ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit, Moria, c'était une heure. Je rêvais des soins de Véloxy. Puis y'a même pas de Ralphie chez Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça fort? Quand j'embarquais dans ta barouette, c'était pas en direction de Joliette. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine acclamée. Tu me ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêtes?

waste your time waiting. When you're longing to arrive, where are you going? October road. A Sunday evening, we finally made it, my friend. We were caught by a friendly policeman. Finally made it, my friend. The ocean breeze now fills the eastern air. Now we arrive to the East Coast. We're on a ferry to Magdalen le bloc, toi! Il aurait pas mal mieux commencé par ça que par l'autre pièce d'avant. C'est à l'envers un peu, mais bon. October Road, East Road, à Assemblage Rocky. Avant ça, c'était Madame Moustache et Roméo et Juliette. On aime ça. C'est Black Country. Ouais, on aime ça. Ça commence bien sans ce lundi matin. Tout à fait. Ouais. Sinon, je sais pas pourquoi, en fait, je suis parti comme ça sur un petit envolé de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, Matt? Allez voir deux films! Hein? En anglais! Twilight! C'est quoi à jeu? Ben, t'as pas le choix hein, dans la vie de suivre copain-copine pour aller voir Twilight. Ben, t'as toujours le choix, mais... ouais, mais c'est ça. Non, mais par contre, c'est ça, quand on va à Montréal pour aller voir un mauvais film comme Twilight, on se récompense, je me récompense. Mais t'aimes ça, Twilight? Non, vraiment pas. Non, je pensais que t'aimais ça. Non, je trouve ça très, très, très, très, très long. OK. Honnêtement. Ils ont beau dire qu'il y a plus d'action, oui, OK, il y a plus d'action, mais ça reste l'action plate. Mais bon. OK. Ça, c'est vraiment très, très subjectif comme critique. Mais non, on est allé voir James Bond, un nouveau James Bond, aussi, en même temps. Et puis? Ça, puis celui-là, je l'ai adoré. Ça me donne vraiment envie d'écouter la série au complet. Au complet! Ouais. Il y avait un deal, il y avait une superbe offre sur Amazon en fin de semaine que j'ai un petit peu passé par-dessus sans faire exprès. Mais ils vendaient le coffret Blu-ray des 23 films. 22 films, je pense que c'est le 23e. En tout cas, bref. Tous les films de James Bond. Pour 100$, le coffret vaut 350$ sur Blu-ray sur Amazon. Pour 100$? C'était pour 100$, mais j'ai manqué ma chance, faut croire. Mais un jour, quand il descendra, une fois que Skyfall sera plus en cinéma et puis qu'il va y avoir moins de demandes, sûrement que le coffret va baisser. Puis ça va être un moment de se le procurer, ça. Yeah! J'ai hâte de recommencer au début. Sinon, j'avoue qu'en fin de semaine, c'était le Black Friday. Black Friday, et aujourd'hui, c'est le Cyber Monday. OK. T'sais. C'est quoi? Cyber Monday, c'est les offres en ligne, surtout. Donc, Black Friday, c'était les magasins brick and mortar, comme on appelle, les magasins faits en briques. Et là, ça se passe sur Internet. Sur Internet, partout. Là, aujourd'hui, Cyber Monday, vous allez recevoir vos petites lettres d'information par courriel et lancez-vous là-dessus. Moi, ma limite de crédit est complètement... Fait que pas de Cyber Monday pour moi. Non, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein? T'sais, on reçoit tout à l'heure. Hey, vous êtes pré-approuvé pour une Mastercard? Ouais, non. Non, merci, j'ai pas fait la demande. C'est ça. En tout cas, bref, bonne dépense et bonne ensuite façon de, je sais pas, rembourser vos affaires. Vous vous arrangez ça comme vous voulez. Ah oui, c'est de vos affaires. Là. C'est de vos affaires. Nous, on va parler de choses geek. Maintenant, voici la chronique à Cynix. C'est la chronique geek en ce lundi 26 novembre 2012 et on va faire un petit tour du web comme on le fait toujours régulièrement ici à Cynix. Commençons avec des œuvres d'art célèbres recréées avec un fer à repasser. OK, oui. C'est vrai ça. Évidemment, là, c'est une vidéo avec de la musique dessus, donc pas besoin de la jouer en ongle. Mais c'est Philips Azure. Philips. Philips Azure, c'est une des marques de fer qu'ils utilisent. OK. Très, très drôle. C'est la compagnie Philips de Russie, finalement, qui a fait ça. Et puis, ils ont demandé à l'artiste de repasser des affaires, repasser des couvertures et avec différents appareils. Et les laisser brûler, j'imagine? C'est pas vraiment brûlé, non. C'est vraiment plisser la couverture. Ah, OK. Avec son fer. Donc, ça se défait assez bien. Ça se défait non seulement très bien, mais en plus, dans la vidéo qui est en genre de stop motion, mais genre de vidéo accélérée, on le voit repasser sa toile avec un fer Philips, puis après ça, refaire une toile sur sa couverture. Donc, à chaque fois, il reset son affaire avec son fer. Donc, il utilise, comme je disais, un Philips Azure, un Philips Pro Touch Steamer et un paquet d'autres outils comme ça. Et c'est de Russie. Donc, vous pouvez aller voir des JPEG pour comparer avec les vraies œuvres d'art. C'est sur assemblagerequis.com. Oui, voilà. Ensuite, 11 GIFs animés de l'histoire du rock. OK. C'est un gars qui, lui, s'appelle vraiment Josh. C'est pas le nom d'une compagnie. Le gars s'appelle Josh et il prend des moments classiques de la musique rock et change ça en animation style 8-bit. C'est vraiment très, très beau. Par exemple, les Beatles qui marchent dans la rue, tu sais, comme on connaît tous. Ouais, qui traversent la rue, là. Avec les barres blanches, là. Ouais. David Bowie. Okay. Qui s'ouvre les yeux et la bouche. Led Zeppelin, les White Stripes avec leur vidéoclip Hardest Button to Button. Ici, Button. J'imagine que c'était Hardest Button to... c'est quoi le nom de la pièce des White Stripes? Hardest Button. Ah, regarde. Prince qui change son nom pour un symbole. Donc ça, c'est un gif animé. Il y en a plein d'autres. Kiss, Bob Dylan. Et allez voir ça sur assemblagerequis.com. Je serais moins sujet ici. C'est même Michael Jackson. Pas Michael Jackson. 10 coins de rue à New York dans le temps et maintenant. Donc, c'est vraiment des coins de rue très connus de New York. Par exemple, 45e rue, coin Broadway, en 1988 versus 2012. Donc, on voit, par exemple, un portable de 1988 de Mark Toshiba en haut sur une pub. OK. En 1988, là, à Times Square. C'est ça? C'est pas Times Square, ça? Oui, Times Square. C'est un coin de Times Square, finalement. Il y a 25 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la bâtisse complètement à gauche de la photo était en train d'être construite en 1988, donc on le voit. Ensuite, il y a la 12e rue, coin 2e avenue, coin sud-ouest, 1930 à 2012. Donc, c'était un cinéma dans le temps qui avait un autre nom. Attends un peu, c'était dans le East Village, ça je le sais. C'était le Yiddish Folks Theater dans le temps. Maintenant, c'est juste une autre sorte de cinéma. Christopher Street versus 7e avenue. Il y en a des... celle-là, c'est bizarre parce que c'est 70-2012. Et dans celle de 70, il y a un magasin qui s'appelle Village Cigars. Et en 2012, il est encore ouvert au même endroit avec la même pancarte. Ah ouais? 70 et 2012, là, c'est une marge, là, ça. Ouais. Sinon, il y a un coin qui a complètement changé, c'est devenu une banque, alors qu'avant, c'était simplement un mur. Puis une qui m'avait surpris être un petit peu plus loin que ça. En tout cas, il y en a vraiment des assez intéressantes. Moi, j'ai toujours été bien intéressé par les comparaisons entre le passé et le présent. Ah, tiens, j'avais une vidéo ici à vous faire entendre. C'est une chèvre. Okay. Une chèvre? Une chèvre. Version dubstep, je sais pas, moi ça m'a toujours intrigué. Ça t'a teasé. J'ai pas écouté à l'avance, donc attention. Et où la chèvre? Et où la chèvre? Ouais. Une chèvre qui bouge sur du dubstep, je pense que ça va être le cri de la chèvre. Je voulais pas l'écouter pour être surpris, non. C'est ça que ça me donne, c'est ça que ça fait quand je fais ça. Hein. Est-ce qu'on va l'entendre? Comment on achève ce matin? Oui. Ah, boring! Boring! On entend bien des affaires plates à cette chronique-là. Donc, toujours dans la chronique insérée, je vais faire partie de mon petit wiki. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait un guide illustré des armes de la culture populaire, donc Pop Culture Weapons. C'est l'artiste Daniel Neary qui a créé une genre d'affiche d'armes célèbres de jeux vidéo, de personnages de bande dessinée et de films. Il y a aussi des blocs Tetris, pas trop sûr comment on s'en sert comme arme, des blocs de Tetris. Ça peut t'assommer, j'imagine. J'imagine si t'es positionné en dessous d'un tunnel où on se donne à lancer des blocs Tetris. Donc, allez voir ça. Vous pouvez l'acheter aussi ce poster-là sur le magasin, la boutique Society 6. Je trouve ça beau. Il y a même une carapace de Koopa. Une bombe! Le chose de Batman. En tout cas, bref, plein de choses. Sinon, est-ce que je vais avec celui-là? Tiens, une autre très très longue photo, ici sur l'évolution des téléphones cellulaires. C'est la compagnie NTT Docomo au Japon qui envoie cette extrêmement grande image-là de 25 ans de téléphones cellulaires et l'évolution des cellulaires. Et l'évolution du rock à travers le temps. Non, ça c'est une autre phrase d'une autre émission ici. Donc, 20e anniversaire pour leur compagnie. Ils ont donc même ouvert un musée. En fait, le Tokyo Designer. Des téléphones. Des téléphones cellulaires, exactement. Donc, si vous allez voir ça, c'est sur assemblagewiki.com. On voit en gros en dessous une photo d'un téléphone qui date de 1989. C'est pas les premiers parce qu'il a pas l'air si gros que ça. T'sais, les premiers étaient vraiment, vraiment gros. Ça. Mais c'est ça. Me semble qu'ils reviennent pas dans le temps tant que ça. C'est peut-être les 20 années de NTT Docomo qui ont commencé un petit peu tard dans les cellulaires. Mais bon, j'aurais aimé ça en effet voir l'histoire. Les grosses briques, là. Des grosses briques comme on voit dans les films des années 80. Là. C'était cute, ces téléphones-là, j'aime bien ça. Ensuite, 8 sites des années 90 qui sont toujours en ligne. Okay. Tu sais, dans les années 90, les GIFs animés étaient déjà très à la mode. Un petit peu trop. Les pages étaient toutes sur GeoCities et Tripod. Et tout le monde connaissait un petit peu l'HTML de base parce qu'on l'enseignait à l'école. Et bien, il y a encore des sites des années 90 qui sont ouverts. Par exemple, celui-là créé en 98, Internet Explorer is Evil, qui est techniquement un anti-fan site, qui est sur tocitech.com/evil. T'as un site sur Friends, la série télé, qui est encore en ligne. Et je me rappelle, je visitais ce site-là régulièrement, moi, au secondaire. Ah ouais. Je me rappelle très bien de ce site-là. C'est friends-tv.org. Un site qui a débuté sur un serveur de l'université Dartmouth à l'automne 1994, le début de l'émission en même temps. Un site sur Robert De Niro, parti en 1999. Tous les sons wave possibles de la carrière de De Niro jusqu'à ce moment-là. T'as un site de lutte, tu sais, lutte comme l'instrument de musique. La lutte. Qui ressemble à une guitare, là. Qui ressemble étrangement à une guitare, en effet. Savage Garden. Les Spice Girls. Ah, les belles Spice Girls. Ah, pas Eiffel 65. Eiffel 65, François. Ah, Ça, ça veut dire que le propriétaire, en fait, paye encore. C'est non? Ça que je me demande. Oui, d'habitude, potentiellement. Moi, que, je sais pas. Bonne question. Ça se prend automatiquement sur sa carte de crédit. Peut-être. Il ne doit pas penser. Ah, peut-être bien. Mais je sais pas, sinon, pourquoi les autres sont morts. Peut-être qu'ils ont payé un genre de contrat vraiment à long terme. Je sais pas. Ou encore, c'est sur des serveurs. T'sais, comme on disait tantôt, Friends TV, qui a commencé sur un serveur de l'université. Peut-être que c'est le cas et qu'il y a des sites qui sont hébergés sur des serveurs qui sont pas vraiment nettoyés avec le temps. Et sans que, trop qu'ils sachent. C'est ça, c'est dans un sous-sol, à quelque part, sur un serveur, ça reste là, personne s'en... Mais bon, je ne sais pas. Ensuite, celui-là, je ne ferai pas entendre d'extrait non plus. En fait, c'est un site qui s'appelle soundslice.com qui vous permet de synchroniser les accords de guitare, OK, à une chanson en temps réel. OK, donc... À une chanson en temps réel pour pouvoir apprendre... Attends un peu. Ah, ici, voilà. À jouer de la guitare. Par exemple, si je passe celui-là, est-ce que ça va fonctionner? C'est très, très, très bien fait. Je connais absolument rien là-dedans. Je connais rien de rien, finalement, quand j'y pense. Mais... donc, OK, tu vois la vidéo du gars en train de jouer la chanson Yesterday des Beatles. OK. C'est bien ça. Et les accords apparaissent à l'écran. Je comprends que dalle, évidemment. Okay, mais quand même, ça défile devant toi. Ça défile devant toi. Bon, là, c'est G, C. D'accord, G, C. Puis là, j'imagine que c'est la position de où mettre tes doigts là, sur les cordes, j'imagine, de la guitare. Là. Et ça, c'est l'artiste Adrian Allvatti qui est en train de jouer. On le voit à l'écran. Donc, tu peux vraiment regarder les accords en bas de l'écran, sa main sur sa guitare, parce que tu vois vraiment bien sa guitare. La caméra est centrée pour ça. Et puis, tu peux jouer à la vitesse complète, comme ça, ou encore à la demi-vitesse. Attention, il va tout ralentir. Ça Ça sonne moins bien un peu, mais quand même. C'est pour te laisser la chance d'apprendre. Pour les débutants, exactement. Donc, je trouve que l'idée est très, très bonne et tu peux... Ouais, ça peut faciliter l'apprentissage. Et tu peux zoomer et dézoomer sur les accords en bas. Donc, il y a une petite loupe qui apparaît à gauche. Okay. Et tu peux aussi ajouter des tracks de des pistes. Parce que là, il y a la piste structure, la piste des noms d'accords et la façon de placer les doigts. Donc, c'est ce que je comprends de tout ça. C'est cool. Soundslice.com, si ça vous intéresse, c'est le site. Il y a un autre site ici. Pourtant, je suis sur Chrome. On me dit de télécharger Chrome. Super. C'est jamwithchrome.com. C'est un Chrome Experiment. Donc, c'est fait pour fonctionner sur Chrome. Et là, c'est faire de la musique en ligne et en direct avec vos amis. OK. Donc, c'est ça. On va avec la batterie standard ici. On peut sélectionner un instrument avec les flèches à gauche et à droite. Les instruments apparaissent en bas de l'écran. Par exemple, je pourrais prendre justement une guitare, tiens. Il y a guitare acoustique. Voilà, je la sélectionne. Oui, je clique dessus. Super. Et là, ça va se connecter, ça va charger. Je vais pouvoir jouer la guitare et quelqu'un d'autre va pouvoir jouer un autre instrument en même temps. Attends un peu. Je comprends rien. C'est le mode facile, là. Il y a des suggestions qui apparaissent. C'est super. C'est supposé être facile. Bah, c'est ça. Au pire, je vais vous laisser aller voir. Là. Vous comprenez que l'adresse est jamwithchrome.com. Et gars, ça, c'est moi. C'est toi, là. Point, point, point. Tu sais? Oh, c'est cool. Je préfère du bruit de bouche aussi. Mais live avec tes amis, c'est quoi? Tu te connectes et puis moi, je pourrais ajouter le drum. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool quand même, hein? Non? Ouais. Tu peux y aller avec la clé que tu veux, le tempo que tu veux. T'as un métronome qui fait... Ah, est-ce qu'on l'entend? Ouais. Non, je suis pas capable. Je suis vraiment pas bon en musique. Sinon, qu'est-ce qu'on avait aussi? C'est des œufs qui se font détruire en ralenti. Tu sais, tout ce qui était en ralenti, c'est toujours mieux. Ouais. On peut aller voir cette vidéo-là, je l'ai postée sur assemblagerequis.com. Des œufs en train d'être détruits avec une caméra haute vitesse. Et puis, c'est cool. À voir, il y avait 6 des pires genre de drames qui sont arrivés lors de Black Friday. Tu sais, au Black Friday, tout le monde se pile dessus. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, exactement. Piétiner, hey, c'est atroce. Là, c'est une des pires morts. Moi, j'en reviens pas, là. Non. T'es prêt à piétiner quelqu'un pour sauver 100$ sur ta télévision. Est-ce que t'es allé au Black Friday? Aux événements qu'il y avait, non? Non. Mais ici, c'est pas comme aux États-Unis. Là. Non, vraiment pas. Tu sais, il a sorti la Wii U où on était comme 15. Pas mal le max que j'ai vu à Trois-Rivières de gens se présenter. Pour... Non, il y en a plus ailleurs. Donc, c'est des vidéos, des extraits vidéo. Par exemple, en 2011, à Thousand Oaks, en Californie, c'était chez Urban Outfitters à minuit. Et puis, donc, les gens se pilent complètement dessus. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, allez voir. C'est complètement débile. Débile pour rien. Qu'est-ce que je reste à faire ici? Il y en a que je veux sauter pour... l'artiste Lanola Stone, une photographe basée à New York, voulait aider un shelter pour animaux, là, c'est une genre de la SPA, si on veut, un service de protection des animaux. Donc, elle a créé une série de photos de chiens qui étaient là le plus longtemps, donc en fond, les plus vieux chiens, ceux qui étaient là depuis le plus longtemps, à la genre d'SPA américaine. Donc, elle prend des photos de ces chiens-là comme pour, ayez pitié de ces chiens-là et venez les ramasser. C'est cute. Ça fait pleurer presque autant qu'une publicité de Sarah McLachlan à TV. Tu as vu ces maudites annonces-là de Sarah McLachlan? Non. Sauver les animaux, puis là, on voit les animaux tout piteux, puis c'est donc bien triste. Un Tumblr maintenant. Les Tumblr sont toujours à la mode, ça changera jamais. Et celui-là, c'est « What if Adele was Mrs. Doubtfire? » Donc, on prend Madame Doubtfire des films avec Robin Williams et on colle la face d'Adele dessus. Qui fit. Ça fit étrangement bien. Il y a même des gifs animés, sérieusement, c'est très très réussi, donc allez voir ça. Le lien est What if Adele was Mrs. Doubtfire.tumblr.com. Le lien est sur assemblagerequis.com. Il nous reste 10 diagrammes pour créer votre propre origami Star Wars. Des choses très difficiles. Le Millennium Falcon a vraiment beaucoup trop d'étapes pour moi. Il y a plein d'autres vaisseaux et d'autres des personnages aussi du film. Donc, allez voir ça. C'est à télécharger, à faire imprimer et puis à recréer vous-même. La map monde de Legend of Zelda, recréée au complet en bloc Lego, par Michael Kuroda. Et puis, bloc Lego représente 16 pixels par 16 pixels sur la carte dans le jeu. Et donc, la carte Lego, elle est faite de 256 morceaux de haut par 88 morceaux. Non, ben pas de haut, de large. Par 88 morceaux de haut. Bon, donc c'est la carte de Legend of Zelda. Allez voir la photo. Il y a une photo en haute résolution de tout ça. Il y a une application qui s'appelle Girl Staring at You. Si vous n'avez pas assez d'amis et que vous voulez vous créer quelqu'un virtuellement parlant, là, c'est une application iPhone qui met en vedette une fille avec 180 vidéos préenregistrées où elle fait que te regarder et te dire des choses que personne d'autre va te dire dans la vie. Comme quoi? Bien, comme quoi. C'est pas en anglais, donc je pourrais pas te dire. C'est comme en japonais. OK, on comprend rien. Non, à moins que... À moins que il y ait ça ici. Est-ce que je l'ai? Bah, ben, ça, je le trouve pas. Je le trouve pas. Mais il y a un humoriste japonais dans la vidéo qui vous en explique un petit peu plus là-dessus. Et c'est ça, c'est tout. C'est tout pour Stenix. Ouais, c'est tout. Merci, Matt. Plaisir. Tout à l'heure, on fera C'est un fait. Ça va être plus simple à comprendre, je pense. Mm-hmm. On aime ça. Pour l'instant, okay. Gros Méné. Okay. Oh! Vénus. Vénus? Ouais. Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. Darkness is with a woman. Wow! Ben, j'étais quasiment dessus. Là. C'est ça la note, parfaitement ça la note, François. The Darkness, avec une autre pièce qui ressemble à The Darkness, qui ressemble à toutes les autres pièces de The Darkness, mais bon. Hein? C'était The Darkness, donc... C'est normal. On pouvait s'attendre à ça. Là. Exact, pas de surprise ici. Pas de surprise non plus dans le fait que, François, tu connais rien. Non, pas tout. Pas tout. Donc, laisse-moi te remplir la tête d'informations. OK. Avec cet effet. En fait, j'aurais vraiment pu plus dire ça par rapport à moi-même qui ne sais rien. Mais en même temps, je tenais à faire de l'auto, je m'auto-bâche tout le temps. C'est pas évident pour la morale. Non, c'est pas évident pour mon moral. Fait qu'à la place, je vais te détruire toi à la place. Bon, plus simple, hein? Parfait. Tu connais Captain Morgan? Ben, qui ne connaît pas Captain Morgan? Qui n'a pas bu du Captain Morgan à matin sur ses céréales, tu sais? Ouais. Ah, c'est peut-être juste moi. Donc, il y avait vraiment un vrai Captain Morgan qui était un pirate gallois. Gallois, c'est le pays de Galles, François. Hein? Ouais, et puis il était pas gouverneur de la Jamaïque. Exact. Pouah! T'as non, est-ce ouvert... que c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que t'as ouvert la page avec non. les... Non. Non. C'est ça, toi. Ouais. Est-ce que tu vas faire ça, tu les fais? Non. Cool. Tu pourrais... aller aléatoirement. Ce serait drôle, tu préfères ton fin finot. Pas éveiller de soupçons. Ça a l'air vrai. Ensuite, le bureau des véhicules motorisés de l'Ohio ne permet pas les plaques. Tu as des vanity plates que tu peux avoir, tu peux faire inscrire ton propre mot dessus, tu peux faire inscrire un peu n'importe quoi dessus. Donc, ils permettent pas les affaires qui sont anti-Michigan. OK. Tu sais, parce que, bon, l'Ohio, c'est un État. OK. Le Michigan, c'est un autre État. OK. Il y a une grande rivalité, sûrement, des équipes sportives dont on se fout qu'elles se parlent. Donc, il y a. Ça donne sur le football, j'imagine. Je sais pas. Donc, il y a des plaques, par exemple, comme Hate MI, comme Hate Michigan, ou Fuck Michigan. Michigan. Ouais, t'as bien deviné. C'est ça. Donc, ils ne permettent pas ça en Ohio. J'imagine qu'il faudrait peut-être être assez intelligent pour trouver quelque chose qu'ils trouveront pas ce que ça veut dire. Mais en même temps, si personne ne sait ce que ça veut dire, les gens qui vont la voir non plus pourront pas voir que c'est un slogan de haine envers le Michigan. Ouais, c'est ça. Ou 8, là. 8, Michigan. 8. Oh, exactement. Mais juste, si on va pas très loin, là, en Ontario, tu peux hein, choisir ta plaque. Ah, ben tant mieux, au Canada, je savais pas. Mais je pense que ça te coûte 5$ de plus. C'est pas si cher que ça pour dire ce que tu veux. Pas si pire. Pas si pire, ça va à peine. Si t'as de la haine, ouais, et t'as regardé tout le temps, là, ta plaque, en fait, t'appartient. Elle est à toi. Elle est à toi. Pendant le règne d'Élisabeth Ière, le cygne, c'est l'animal, le cygne, swan, était un plat populaire, en fait, un plat de festin populaire, et c'était farci avec la carcasse de 9 autres oiseaux. C'était très populaire, ça, du cygne farci. C'est un peu farci, dégueu. Là. Un peu beaucoup. Un peu, ouais. Les Dallas Cowboys, c'est une équipe de... Évidemment, football? De football, j'allais dire, là. Appelez-moi pas dessus. Donc, à l'origine, ça s'appelait les Dallas Steers. Ils ont changé leur nom pour les Rangers, ensuite les Cowboys, d'avoir leur première partie en 1960. Donc, avant même... Tout ça avant d'avoir commencé. Eux autres, là, ils niaissent pas, là. Ah ouais, tu sais. On joue ou on joue pas, là, t'sais. Et justement, ben, les Lions et les Cowboys jouent tout le temps une partie de football là, à l'action de grâce, là, pour différentes raisons dont je me fous un petit peu. Il y a environ... 88 000 recherches Google si on en fait résultat Google si on tape Pillsbury Doughboy fanfiction. Tu sais, fanfiction, c'est des tu sais, par exemple, tu pourrais faire de la fanfiction de Twilight. Puis c'est quoi la fanfiction? C'est des textes que t'écris toi-même, dans le fond. C'est des fans écrivent des textes de fiction avec des personnages connus et leur font faire ce qu'ils veulent dans leurs textes. Et là, le bonhomme Pillsbury, il y a 88 000 résultats Google là-dessus. Il y a des gens qui ont des drôles de fantasmes. Ronald McDonald, ces gros souliers rouges, là. Ouais. Est-ce que tu veux deviner quelle grandeur qu'ils ont? Au hasard. Attends un peu, non. Je dirais des 30. T'es proche. Je suis proche. T'es proche. C'est 29. 29. De quelle lettre, mettons? Hein? Parce que ça, c'est les largeurs de souliers. Ouais. Ah non, il est pied large. Si, je dirais F quasiment. Soit, non, c'est E. J'étais pas loin. T'étais pas loin, là. C'était vraiment pas loin. Qu'est-ce que la coulrophobie, tu penses, François? Pas sûr, mais attends, comment tu dis ça? La coulrophobie. Coulrophobie, c'est les clowns. C'est sûr que c'est les clowns, c'est ça va être ça. T'as peur des clowns. Il y a un C puis un L, tu sais. C'est que, ça. Automatiquement, c'est clown. Puis t'as phobie, là. Phobie aussi. Lors d'une étude en Nouvelle-Zélande récemment, les gens disaient que le sexe était l'activité la plus amusante, qu'ils aimaient le plus faire. Se remettre d'une maladie, et Facebook était en bas du palmarès, donc... Se remettre d'une maladie? C'est quand t'es malade, puis là, tu t'en remets, finalement, t'es en forme après ça. T'sais. Ouais. C'est comme un rétablissement, si on veut. Okay. Je trouve que c'est une activité vraiment le fun pour eux. En Nouvelle-Zélande. Les titis. Les titis, hein. Ouais. Un enfant de 3 ans, en moyenne aux États-Unis, un enfant de 3 ans peut reconnaître environ 100 logos de marques connues. À l'âge de 3 ans. Facilement. Hey, mais on est envahi. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour vrai, là. Je pense qu'il faudrait commencer à penser à diminuer la publicité. Peut-être parce un peu. Que ça n'a aucun effet. Mais non, exactement. Parce qu'il y en a tellement que tu finis par pas l'avoir, cette affaire. Mais ils peuvent pas réduire, tu sais. Comment, tu sais? Ben, enlever des panneaux sur l'autoroute, là, les panneaux publicitaires, je pense. Et les compagnies font tellement de plus en plus d'argent, qui ont plus en plus d'argent pour en installer. Ouais, non, les panneaux, je sais pas, moi, je vois pas ça de réduire du tout. Je sais pas. Les déodorgrammes. Déodorgrammes. Je trouve qu'ils ont vraiment mal choisi la façon de le dire. Là. Mais c'est un service qui envoie de façon anonyme à tes collègues de travail malodorants, okay, un cadeau qui est du désodorisant. Tu peux vraiment commander sur Internet un déodorgramme. J'aurais appelé ça un déodogramme, puis ça aurait été bien en masse, non? Je sais pas. Mais bon, donc, c'est un collègue. Odor. Ah, The Odor. The Odor. Ouais, ok, ouais, ok, je peux comprendre. Ensuite. Mais ça le donne à tous tes collègues, nous. En fait, il n'y a pas de discrimination. Hein? J'ai l'impression que ça l'envoie à une personne en particulier. Un peu comme un bouquet de fleurs, ça. J'ai l'impression. Ah, si, mais c'est chien, là. Ouais, mais c'est anonyme. Ouais, mais. Ouais, c'est chien. Au pire, assume-le, là. Ben, c'est ça. Exactement. Et est-ce que tu l'envoies, genre, en public? Parce que là, si non, la personne de la compagnie arrive, puis dit, est-ce que Serge est là? Là, Serge fait comme, hello! Puis là, ben là, tu sais. Là, t'as ton cadeau, puis c'est comme, hey, je pue, tu sais. Sur son site web, Toys R Us admet que le nom de la compagnie est controversé parce que les parents et les professeurs envoient des lettres tout le temps, très très fréquemment, pour leur dire que leur nom, c'est une erreur, c'est une faute. C'est pas juste un R. C'est ça, le R entre guillemets, puis Toys R Us, c'est juste pas grammaticalement correct. Pendant une journée en 1998, la ville de Topeka au Kansas s'est renommée en Topikachu pour célébrer le début aux États-Unis de la série des Pokémon. Ouais, ouais. C'est vendu pas mal, ça. Ça a dû leur rapporter de l'argent. Et finalement, pour cette première partie du bloc, il y a 293 façons différentes de faire de la monnaie pour une pièce, hein, avec des 5 cents. 293 façons. Donc, on écoute Silver Jenny Dollar des New Pornographers. Through Cartilages in You was the name of her act, and it's true, to love her is all I can do. In a world that's beaten everything like a blue, they hardly silver Jenny Dollar. Silver Jenny Dollar. Silver Jenny Dollar. We're only ever passing through. Cartilage and Sinew was the name of her act, and it's true, you noticed, it's all I can do. In a world that's beaten everything black and blue, they are silver Jenny Dollar. Silver Jenny Dollar. Silver Jenny Dollar. Winter's over, the war is over. A parcel of landmen ask come, it's true, they'll love you. The New Pornographers et Silver Jenny Dollar à Assemblage Requis. Mmh. 293 façons de faire du change avec 1 dollar. Tu sais, 5 cents. 25 cents, t'as le choix. Là, t'as le choix. Incroyable. Toujours dans la chronique, c'est un fait. Il nous reste une dernière petite partie. De fait, un mot inséré dans une conversation aujourd'hui. Mumpsimus. C'est une personne qui garde une opinion malgré le fait qu'il y a tout plein de preuves contre, dans le fond, des preuves qu'ils ont tort. Mais ils gardent quand même cette opinion-là. Mumpsimus. C'est bien. Un autre mot, tiens, là, évidemment, c'est des mots en anglais. Callipygian. C-A-L-L-I-P-Y-G-I-A-N. C'est d'avoir de belles fesses. Ah, quelle est Callipygian? OK. Tu sais? Ça veut dire que t'as un beau petit derrière. Un beau petit derrière. Ceux qui écrivent la date à la façon anglaise, ben en fait, c'est pas tout le monde qui l'écrit comme ça, là, mais mois, jour, année. Il y en a qui écrivent année, mois, jour. Il y en a qui écrivent jour, mois, année, on se comprend. Donc, ceux qui écrivent mois, jour, année dans certains pays vont savourer le 12, 13, 14 cette année. Alors que ceux qui célèbrent, le, ben, en fait, qui font jour, pas mois, cette année. Prochainement. Dans deux ans. Exact. Mais ceux qui font jour, mois, année ne célébreront jamais le 1, 2, 1, 3, 1, 4. C'est un beau chiffre. D'ailleurs, hier, le 21 novembre dernier, le 21 du 11-12, et c'était le 2-12-12. Non, attends un peu. Le 2-12-12? Non, c'est ça. Le 21 novembre 2012, c'était le 2-1-1-1-1-2. C'était un palindrome. OK. Et le prochain sera le 2-12-12. Le 2 décembre 2012. Okay. 2-12-12, 2-1-2-1-2. C'est un palindrome, donc on peut le lire à l'endroit et à l'envers. Oh, OK, parfait. Ouh, hein, les mathématiques, là. On dit que, selon notre étude, lorsque la musique d'un bar augmente de 22%, les clients vont boire 26% plus rapidement. Hein? Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, dans les bars, la musique est jackée par en haut. Parce que tu peux plus vraiment parler. Et jackée par en haut. Mais c'est jackée genre. Hein? Va jack... Elle est grand! Jack la musique! Non, mais ça a du sens. Là. Si tu montes le volume, tu peux plus parler. Fait que tu bois. Ouais, tu t'aimes du bois. Tu jacques les jarrets. Tu jacques les jarrets. Ouais, la Biélorussie est le seul pays au monde où le furteur Opera est le plus populaire des furteurs web. Tu sais, on connaît tous Firefox, Safari, Google Chrome, mais Opera existe encore aujourd'hui et la Biélorussie est le seul endroit où c'est le plus populaire. Les ours polaires et les ours grizzly, OK, se sont déjà accouplés et l'animal qui en résulte est le Pizzly Bear. Le Pizzly Bear. Pizzly Bear. Alors, quelle date c'était ça? Le 19 novembre dernier, c'est la journée nationale, la journée mondiale, en fait, mondiale, worldwide, de la toilette. OK. Et il y a 1 million d'Américains qui souffrent de ce qu'on appelle le Shy Bladder Syndrome, donc le syndrome, littéralement, de la vessie gênée, qui fait qu'ils sont incapables de faire pipi en public. Oh, ouais. C'est triste, t'as pas ça? Non. Non plus, non. Moi, j'ai bien content de pisser dans le plus de monde possible. Dans le plus de monde possible. En 1966, un brevet américain a été donné, dans le fond, pour une cigarette à saveur de fromage. Pourquoi? Ça résume bien. On va te prendre une bonne grille de cigarette. Une grille de fromage. D'ailleurs, le fromage, on peut faire du fromage à partir du lait des vaches, des moutons, des chèvres, si on le savait. Ça, c'est bien connu. Des chevaux. Ouais. Des rennes, comme les rennes au lait rouge. Oh, ouais. Les lamas, les yaks, les buffles, les water buffalo. En fait, je sais pas si c'est une différence. C'est quoi la différence entre le water buffalo et le buffalo? J'imagine qu'il y en a un qui est dans l'eau. Le chameau et le zèbre. On peut faire du fromage de zèbre. Eh bien. Eh bien. Le mot vodka vient du mot russe pour de l'eau. Tout simplement, c'est voda en russe. Okay. Voilà. Eau de vie. Eau de vie. Eau de vie, ben, c'est juste, on me dit eau ici. La Pologne aime dire que leur vodka est plus vieille que celle de la Russie. Donc, ça daterait du 8e siècle où ça utilisait d'autres noms comme burnt wine, donc du vin brûlé, et gorzalka. Comme la plupart des liqueurs distillées à l'époque, la vodka était surtout utilisée comme médicament. La vodka a été aussi utilisée comme ingrédient dans plusieurs formules européennes de poudre à fusil. Et ben, c'est intéressant ça. Et là, j'en avais un dernier. Là, vas-y. Des fois, il y a des mots qu'il faut que je traduise un peu, puis j'ai de la misère. Chipmunk. C'est un genre d'écureuil, je pense. Ben, c'est ça. Il y a une différence entre squirrel et chipmunk. Là. Mais en français, il n'y a qu'un seul mot pour dire écureuil. C'est ce qu'on nous dit. Selon ma première recherche sur Google, mais je connais rien à ça. Les écureuils donc, sont capables de mettre autant de nourriture dans leurs joues. Tu sais, on sait qu'ils mettent de la nourriture. Ah, ils en mettent du stock. Hein. C'est ça. Mais ça prend de l'expansion et ça peut devenir jusqu'à 3 fois la grosseur de leur tête. Leurs joues, c'est vraiment beaucoup. Voilà. C'est un fait. Merci, Matt. Alors, on s'en va entendre une pièce qu'on n'a pas entendue depuis vraiment très, très longtemps. En fait, d'un groupe qu'on n'entend plus vraiment depuis qu'ils ont sorti, ils sont sortis du palmarès. C'est Bravo Funkin'. Yeah! Et, la ça pièce, fait longtemps, ça fait une éternité qu'on n'a pas joué ici. Ça fait 2 éternités. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'ils font... Ils font une publicité, hein? En fait, la pièce est a fait... Et dans une pub? Oui, et dans une pub cellulaire, je me trompe. Sur Mantellus, non? Je pense que oui. C'est tout le temps, eux, avec leur bon choix musical. Ils sont souvent très en retard, mais pour le grand public, ils font comme « Wow, c'est donc bien underground ». Mais j'imagine, en fait, là, il s'assure d'un certain succès, c'est pour ça un peu le retard, et puis demander les autorisations. Donc, tu me disais, c'est boire ta savon, est-ce que c'est bien l'extrait qui est dans la pub? Il me semble que oui. OK, bon, voici boîte à savon. Je me trompe. Si je me trompe, appelez-nous. 819-376-5183. Hein? On aime se faire corriger nos erreurs. Là. Petit coup de fouette, là. À bonne place. Tic-tac, tic-tac, tic, le temps file et j'ai encore les mains dans l'huile. Du printemps, le tournoi des amants. Nous déballerons les chemins, avalerons les balles de poing. En sarcophage à notre image, enfant d'un hiver dans le garage. Il y aura des fleurs dans chaque virage. On appelle ça une petite chanson, une très petite chanson, L'été des Indiens de Bravo Funkin. C'est la pub dans la c'est publicité. C'est elle, là. La chanson dans la publicité de TELUS. Oui. C'est ça. Dont tu parlais tantôt. Ouais, exact. Et TELUS les a engagés pour ça. En fait, c'est écrit sur leur site web qu'ils ont engagé Bravo Funkin, un groupe émergent, pour composer la chanson thème de leur nouvelle publicité. Mais eux, après ça, je sais pas s'ils l'avaient écrit pour TELUS ou s'ils prévoyaient déjà la mettre sur leur album, mais elle est sur leur Bandcamp. C'est de là qu'on l'entendait. BravoFunkin.bandcamp.com. Fonda. Voilà. On va terminer l'heure ici, François. On a remarqué que c'était un deux fois, là. C'est pour oui, oui, tout à fait. Je l'ai comme pas dit. J'ai joué à la musique, mais je l'ai pas dit. Donc, on va terminer ici avant de recevoir notre amie Véronique Mire. Ben oui, certainement du bureau de la réussite étudiante. Ouais, on va parler de plein, plein de choses super intéressantes. Est-ce que tu veux nous pimper un petit peu ton sujet de tantôt, Véronique? Oui, je vais vous parler aujourd'hui d'attention et de concentration, un thème qui François, je veux dire, comme je te disais tantôt avec le... Tu vois, c'est un déficit d'attention. Je t'écoutais plus. L'attention. On va remédier à ça, tu vas voir. Mais ma blague là-dedans, elle comprend pas mon niveau. Oh, bon, laisse pas. Je comprends. OK. Je comprends. Merci. Mais donc, de l'attention, c'est de ça qu'on parle. Déficit d'attention. Non. Non. Les gars, écoutez-moi, vous écoutez pas. C'est ça, j'écoutais pas. Attention et concentration. Je répète, attention et concentration. C'est la partie là. Ah. OK. On vient tantôt, restez là. Vous êtes assez chaud pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 26 novembre 2012. François Marchand est là. Mathieu Plante aussi. Toujours fidèle au poste. Pas le choix. Caporal, on m'appelle Caporal. Caporal, sergent. Ou sergeant. Sergent Poivre. Sergent Poivre. Beatles. Bon. Donc, Véronique Mire, je manquais d'attention, je te regardais à peine, je regardais François, je suis comme, ah, tout perdu, blablabla, je m'en vais où avec ça, le filon me ramène maintenant à toi. Et le thème d'aujourd'hui, attention et concentration. Attention! Et voilà, concentration! Et voilà. C'est ça le thème, le caporal, on avait compris la blague. Ah, oui, oui, oui, ha, Ben, je vous parlerai pas, par contre, de TDAH, c'est pas l'objet de la chronique, hein, non. Déficitaire de l'attention. Rien de médical ici. Avec ou sans hyperactivité, hein. Mais, parce que ça, c'est pas ma spécialité à moi. Par contre, ça, souvent, c'est médicamenté. Oui, oui, oui, oui, oui. Le problème souvent avec ça, c'est que, ben, puis je peux vous faire une petite parenthèse, mais c'est que souvent, la médication change. Puis c'est là que les gens ont la difficulté à s'adapter, là, en fait. C'est plutôt ça. Mais bon, voilà. Okay. Pour la parenthèse, mais moi, je dis souvent à mes étudiants, ben, on en souffre tous un peu, hein, de ce problème-là, dépendamment des périodes de l'année, niveau de stress qu'on vit, toutes les préoccupations qu'on a en tête. Est-ce que tu penses que c'est pire de nos jours avec toutes les Facebook, Twitter? Oui, exactement. Ah oui, c'est sûr. En fait, le problème, c'est que les étudiants sont pas capables, peut-être, ben pas capables, soyons gentils, là, à 50%, mettons. Ouais. Ils veulent pas, non, c'est ça. Ils sont pas capables de gérer ça. Mais c'est le fun de faire ça, c'est normal, de pas vouloir lâcher, mais à un moment donné, il faut vouloir lâcher aussi. C'est assez spécial, parce qu'en tant que prof aussi, là, bon, moi, je le gère, il y en a pas. Tout oui, c'est interdit. Il y a pas d'ordinateur dans mes cours, il y a pas de cellulaire. Portable, non? Non, pas de portable. Ça dépend des groupes que j'ai. Il y en a que je le sens, là, que je peux leur laisser, puis c'est correct. Mais si j'en vois un qui sourit pendant que je suis en train de leur parler de problèmes familiaux, je me dis, qu'est-ce que tu regardes sur ton ordi? T'sais, ça me dérange pas de le dire. Puis au début, ils n'aiment pas ça. Ils disent « Ah, on est des adultes, on est capable de gérer ça. » Puis finalement, ils me disent que non. Donc, moi, je le fais pour eux. Mais c'est un peu plate. Oui. Ah, mais c'est bon, d'être obligé quoi de qu'il faire en ça. Souhait, c'est ça, c'est ça. Donc, l'attention puis la concentration, c'est vraiment un gros thème. Hein? On a vu là, depuis le début de la session ensemble la gestion du temps, se préparer aux examens, lire de façon efficace. Si on n'est pas capable d'être attentif et concentré, il n'y a rien de ça qui fonctionne. C'est ça. Donc, c'est vraiment le thème dans le cours. C'est celui-là qu'on voit en dernier parce que c'est lui qui nous permet de faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Là, nous, ici, il nous reste quand même une chronique là, d'ici le temps des fêtes. Ah, hey, ça s'en vient! Ah, hein, on est déjà le 26 décembre, le lendemain de Noël. Dans un mois? 26 novembre. Dans un mois, on va être le 26 décembre, et t'as oui, bien raison. Et oui, déjà, ça va aller vite. Donc, il va rester un thème, ça va être la gestion du stress. Je vous l'annonce en grande primeur. Vous êtes attentifs? Oui, merci. Gestion du stress. Ça sera ça, le dernier thème. Oui, c'est ça. Puisqu'on va être pas mal proche des examens de fin de session, là, ça va s'y prêter. Donc, on revient à nos moutons. Attention et concentration. Donc, c'est un grand problème chez la majorité des étudiants. Aujourd'hui, bon, avec les diagnostics de TDAH, TDAH. Trouble de déficit d'attention. Oui, trouble déficitaire de l'attention. OK. Avec ou sans hyperactivité. OK, OK. Ben moi, je trouve qu'on diagnostique beaucoup trop facilement ce problème-là aujourd'hui, là, en fait. Je crois que certains qui ont reçu ce diagnostic-là sont pas vraiment atteints de ce... Ben en fait, c'est que aussi, dernièrement, ce qui m'a assez surprise et même peut-être choquée, en prenant les termes juste, j'ai vu un étudiant qui avait un diagnostic temporaire de trouble de l'attention. Donc là, ça discrédite pas mal tous ceux temporaire. Qui l'ont à temps plein, si on veut. Donc, temporaire. Voyons donc. Hein. Donc là, c'est quoi? C'est qu'on médique. On donne de la médication. On médicationne. On médicationne, même. Cet étudiant-là à temps partiel. Mais bon, en tout cas, c'est ça. Est-ce qu'il faut qu'il soit accompagné d'un autre? Assez spécial. Mais c'est quoi les symptômes? C'est quelqu'un qui bouge tout le temps? Il y a la bougeotte. Il y a les idées qui n'arrêtent jamais. La personne... Ben, les idées qui n'arrêtent jamais, c'est un peu normal, non? Tu sais, dans le sens où... C'est hamster qui trotte pas mal. Ben, en temps normal, on est capable de s'arrêter, de se dire, là, ça va faire. Mais eux, souvent, ça n'arrête jamais. Puis, je le vois beaucoup quand il y en a qui viennent me voir au bureau là, pour consulter, pour du suivi individuel. Ouais. On parle de quelque chose, puis là, ça allume une idée. Puis là, ils partent. Ils partent vers ça, puis... Moi, faut que je les ramène. Faut que je leur dise, bon, là, on parlait de lecture, là. Là, t'es en train de me parler de ta grand-mère, en fin de semaine, qui lisait son livre, puis qui avait de la discuté. Non, non, non, là, on parle de toi, la lecture. Ça part un peu, mais bon, c'est à différents degrés, hein, si on peut... Ceux qui ont de la misère à dormir parce qu'ils pensent tout le temps aussi, peut-être que ça... Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que la plupart des gens en ont un. Ouais. Hein, plus ou moins niveau avancé. Grave, ouais, c'est ça. Donc, l'attention et la concentration, c'est souvent des thèmes qu'on mélange. Hein, on va dire, bon, je suis pas attentif, j'étais pas assez concentré, je manque de concentration. Les termes se mélangent beaucoup. Par contre, c'est deux choses qui sont différentes. Je vais vous expliquer en gros la différence, là, mais c'est pas ça l'objet là, d'aujourd'hui. Bon, c'est plutôt de vous expliquer comment le mettre à profit, hein, comment bien l'utiliser. Donc, l'attention, à votre avis, c'est quoi? L'attention... J'ai pas entendu ta question, je portais pas attention. Ça? Ben, en fait, t'as une partie de la réponse, oui. Okay. Hein, l'attention. Vas-y. Mais je pense plus que c'est l'absorption de J'ai matière en tête, là, mais pas vraiment matière. L'absorption de la matière? Ouais. C'est que t'es partie. T'es pas focusé assez pour absorber, comme il dit, pour comprendre les informations parce que t'as la tête ailleurs, t'as la tête en l'air. Quand tu portes attention, c'est parce que t'écoutes. Ça, Oui, ben vous avez une bonne partie de la réponse. Hein, le fait de parler d'écoute, le fait de dire je suis focusé et tout ça, en fait, l'attention, c'est la capacité à diriger tous ses sens vers l'objet qui devrait attirer notre attention. Okay. Donc, par exemple, dans un cours, il faudrait qu'on écoute, qu'on regarde le prof, qu'on prenne des notes. Donc, on fasse le maximum de choses physiquement pour être dirigé vers notre objet d'attention. C'est suivre la game, comme dirait François. Faire l'effort d'être attentif. Ouais. Hein, on a juste à penser, souvent c'est un problème de couple. Là. La fille qui parle à son chum, puis le chum regarde ailleurs. Tu m'écoutes pas ou tu me regardes pas. Bon, mais des non, choses mais c'est comme plate, ça. C'est ça. Donc, pas attentif. Mais tu viens de dire, on n'est pas attentif, mais ça, c'est vrai, c'est de l'attention. Oui, l'attention, c'est la capacité de diriger ses sens vers la réception de stimuli spécifiques. La concentration, maintenant, à votre avis? Quelque chose de plus pointu, tu portes plus... Être entouré, te mettre dans une bulle. Oh! Oui, on fait des mimes, nous, ici, vous avez vu faire. Hein? Elle m'a aidé avec sa bulle. Donc, voilà, oui, c'est la capacité de se créer une bulle. Donc, ça s'enlignait vers ça aussi, ce que ça tu s'enlignait dis. Exactement vers là. C'est éliminer les autres sources de distraction qu'il pourrait y avoir autour de toi. Oui, à la fois externe et interne. Ah! Parce que, il faut être capable de justement faire abstraction du bruit, des gens qui bougent, de la belle fille qui vient de passer ou du beau gars, dépendamment. Ton voisin qui pète. Celui qui renifle à côté. des choses comme pète, ça. Ça sent bon, mes pets sentent bon. C'est toujours, hein? Voilà, la fleur. Puis aussi la bulle interne. Mais c'est quoi ça, une bulle interne? La bulle c'est... interne, j'imagine tes préoccupations personnelles. C'est la bulle la plus difficile. Ouais. Hein, parce que moi, souvent, je vois ça, le cerveau, bon, nos préoccupations. Hein, quand on étudie, si on ne dirige pas le maximum de sens vers ce qui devrait attirer notre attention, on est au centre du carrefour puis toutes les portes sont ouvertes. Mais si on est capable de diriger nos sens vers l'objet qui devrait attirer notre attention, donc le stimuli le plus important, ben on est capable de fermer des portes. Donc, on est capable de fermer la bulle, finalement, là, pour être concentré. Donc, vous comprenez? Moi, oui, non. Moi, je ne suis pas trop flyé, c'est bon. Pas trop pire. Pas super. Donc, capacité à se créer une bulle. Ça favorise la disposition mentale, puis ça réduit les aspects non pertinents. Aspects non pertinents comme genre ce que tu vas faire en fin de semaine. Tout autre chose. C'est ça. Puis tantôt, je vais vous expliquer comment faire justement pour ce petit bout-là. C'est un peu une intro au stress, hein? Okay. Parce que le stress... Ben, c'est ça, c'est en lien, là. C'est ça. Si t'es stressé, te concentrer, ça va être pas mal plus dur. Plus pénible. Mm-hmm. OK. Par contre, qu'est-ce qu'il faut avoir à la base pour être attentif et concentré? Bon, t'as bien beau de dire, il faut que j'écoute le prof en avant. Si t'es pas motivé, là, il n'y a jamais personne qui va pouvoir te forcer mais à le faire. Ça te tente pas de le faire. C'est ça. C'est sûr, oui. Puis ça, c'est la grosse bataille en ce moment qu'on a avec les étudiants, de comprendre que la motivation, faut jamais oublier, c'est je vous en ai déjà parlé, ben, c'est 50-50 dans un cours. Hein. Le prof en avant vous donne de l'énergie, il va essayer de rendre la matière intéressante. Mais si les étudiants font rien et ils sont plates, ouais. Ben, on nommera pas personne. Ouais, non, mais en fait, c'est plus que... Mais 50-50, je trouve que t'es généreuse. Ouais. C'est généreuse envers le prof. Ben, c'est souvent les profs sont... C'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Bon, mais un professeur qui veut, qui est passionné... bon, non, c'est vrai que ça rajoute, mais la motivation devrait venir en partie, au moins, en tout cas, je sais pas ça fait partie de ça, en fait, le 50-50, c'est que... Bon, l'étudiant doit être motivé. Des fois, la motivation, ça vient pas tout seul, hein? Bon, on a tous des cours plates, on a tous des cours ennuyeux et tout ça. Donc, ben, il faut se dire, ça va me servir à quoi plus tard? Qu'est-ce que le professeur pourrait bien me poser comme question là-dessus? Me fixer un objectif aussi, ça peut être une façon de nourrir ma motivation. Réussir le cours, des fois, je dis simplement à mes étudiants qui arrivent pas, là. Bon, ben, ça te tente-tu de le refaire? Non. Fait que là, ils sont motivés parce qu'ils veulent le réussir. Donc, c'est ça leur motivation. Ben, c'est ça. Tu sais, les gens paient pour un produit, n'importe quoi, puis ils vont s'assurer d'y faire attention puis d'en prendre soin. Mais là, ils payent pour un cours, mm-hmm. puis ils sont pas motivés. Tu sais, il faut que tu te dises, crime, j'ai payé pour, puis faut que je le passe, puis tu te donnes assez pour que ça vaille la peine. Ah oui. Je sais pas, là. Puis, parenthèse là-dessus, hein, payer pour le cours, on l'entend moins. Ça fait peut-être 5 à 10 ans là, qu'on l'entend moins. Les étudiants qui disaient, moi, je paye pour être ici, donne-moi un bon cours. Faut faire attention à ça, nuance toujours que je dis à mes étudiants, ben les autres à côté de toi aussi, ils payent pour. Oui. Si toi, tu les empêches de suivre le cours parce que tu fais pas ton affaire, ben tu vas-tu payer pour les autres à côté? Bon, donc ça replace généralement les choses aussi. Là. Donc oui, on paye pour être là, mais il faut faire notre bout aussi. Oui, tout à fait. Ça repose sur nos épaules. Ben oui, c'est ça. Puis je vais vous montrer comment faire tantôt. Bon, si vous avez un cours ennuyeux ou un cours répétitif, comment faire pour pas juste être là puis dire « Ah, ça va être plate, je connais tout ça déjà. Ouais. » Passer par-dessus ça, parce qu'autrement, là, moi, je dis toujours à mes étudiants, on n'est pas ici parce qu'on n'avait rien d'autre à faire chez nous, là. C'est pas un passe-temps, hein? Non, c'est ça. Donc, on va tout faire pour que ce soit intéressant. Donc, la meilleure chose à avoir en tête, c'est de se dire « Moi, je veux être le meilleur. » Je fais mon bac en ce moment, ma maîtrise, mon doctorat, peu importe, mon certificat. Pour être le meilleur dans mon domaine, ben comment je peux faire pour être le meilleur? Donc, puis moi, je dis ça à mes étudiants, puis ils sont comme, ah, ben oui, c'est vrai, moi, je veux être le meilleur, puis tout ça. Puis là, ça replace les choses. Donc, au niveau de la motivation, là, c'est assez important de penser comme ça. Donc, voilà pour la petite intro. Ce matin, hein, il va un petit peu, si on veut, du côté de l'expérimental, là, je me permets, Nine Inch Nails sur l'album With Teeth. Donc, ça va être la chanson Everyday is Exactly the Same sur la trame sonore. Hein, ça vient encore d'une trame toujours, sonore. Toujours. The Wanted. Oh, OK. Oh, vous souvenez avec Angelina Jolie. Oh, yeah. Donc, voilà, c'est party. C'est à assemblage Rocky. See the future, 'cause I repeat. Nine Inch Nails, la pièce Everyday is Exactly the Same. Eh oui! Oh oui! On espère que non, hein? Ben non! Idéalement, là, dans le meilleur des mondes. Le jour de la marmotte, à n'en plus finir, hein, ça serait épouvantable. Demain est un autre jour. Eh oui, et j'aime bien que ce soit comme ça. Alors, toujours moi? Oui, Véronique Mire, du bureau de la reste étudiante, et on parle d'attention cette fois-ci. Et attention, de concentration. Concentration, oui. Donc, en première partie, je vous ai expliqué c'est quoi la différence entre les deux. En gros, l'attention, c'est de diriger ses sens vers l'objet qui devrait attirer notre attention. Puis la concentration, c'est la capacité à se créer une bulle. Donc là, maintenant, je vais vous donner des trucs pour bonifier tout ça. Donc, d'abord, ben, les conditions ambiantes, hein, c'est la base. Surtout quand on étudie chez nous, c'est sûr que dans un cours, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les conditions ambiantes. Mais à la maison, bon, rappelez-vous, de façon générale, il n'y a pas de modèle unique. Là. On ne peut pas dire, bon, tout le monde étudie dans un lieu tranquille. Il y en a qui aiment ça avec la musique, puis ça les aide à se concentrer. C'est ça, ça dépend de chacun. La musique, il faut faire attention. Quelqu'un qui étudie avec la musique à parole, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Même si tu penses que c'est bon, c'est ça. C'est pas bon. Même si la personne se dit, moi, j'étudie avec la musique, ça me dérange pas, j'aime ça, ben il y a des paroles. C'est sûr que ça dérange. Parce que tu les connais, c'est la musique que tu connais, donc les paroles, tu as tendance à les chanter dans ta tête. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc les trames sonores, justement, c'est très bon. Ou la musique classique, ou la musique là, sans paroles, en fait. Hein? Instrumentale, voilà, c'est les fonds d'assemblage requis, toujours très bon pour ça. Eh oui, super. Et l'éclairage suffisant. Toujours très important à la maison, éviter la petite lampe de chevet, c'est pas assez. L'ambiance tamisée, c'est pas fait pour ça. Non, vraiment pas. Ou il fait chaud. Une bonne posture aussi, c'est la base. En fait, si vous êtes mal assis, bon là, on vient raquer, on a mal à quelque part. Et aussi, ben, vous hypothéquez votre dos, votre cou, etc. Pour l'avenir, il faut penser à ça. Et bêtement, si vous êtes mal assis, le sang se rend beaucoup moins bien au cerveau. Ah. Donc, vous en avez besoin pour étudier, il paraît, de cette petite machine-là. Donc, faites attention pour être bien assis. Et aussi, tu ne l'as pas mentionné, je ne sais pas, de la place. Hey, c'est bon, ça. Ça prend de la place. Écoute, tente tes affaires. Si t'es jammé sur un pied carré, ça va mal. T'as bien raison. Moi, j'aime ça avoir, mettons, mes trucs là. Bref, là, tu sais, tu parles pour les chips. Non, mais avoir juste la place. Des fois, ça vaut la peine de faire de la place, puis après ça, t'installer. Ben oui, c'est vrai, parce qu'en fin de session, généralement, les étudiants ont de la misère parce que leur bureau s'est rendu des piles de trucs. Clair et ça, le faites-vous de la place, c'est vrai, ça va bien quand on a plus de place. C'est pour ça que les gens aiment étudier des fois sur la table de la cuisine. Oui, vrai. Parce que t'as beaucoup de place, puis tu sais qu'il n'y aura pas plein d'affaires. Ouais. Là, tu parlais de la maison, mais tu disais qu'à l'université, ou mettons, à l'école, on n'avait pas vraiment le... On pouvait pas choisir où on travaillait, mais pourquoi les gens étudient, mettons, au 4e ringuet et non pas à la bibliothèque, tu sais? Il me semble que ce serait plus logique d'étudier en fait, ta bibliothèque, ça dépend. C'est ceux qui étudient dans les petits... Tu peux pas vraiment parler... Ben, il y en a que oui, là. Ça, c'est dérangeant plus que d'autres choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, ben, les petits cubicules, je sais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui s'endorment. Vous vous promènerez, là, en mi-session, fin de session, dans les rangs où les cubicules, la moitié des étudiants adorent. Maxime Bilodeau. Exactement. Maxime Bilodeau, qu'est-ce qu'il dit, là? Un chroniqueur ici à Assemblage Requis qui est là le mercredi. À 8h30. Qui nous avouait candidement qu'il, lui, en fait, va faire son somme à la bibliothèque. Il suggère les power naps de genre 25 minutes. Il dit, allez à la bibliothèque et puis empruntez-vous un petit cubicule pour vous endormir. Ben oui. Hein, c'est comme, là, ils ont changé les divans. Les anciens divans étaient tellement plus confortables. Ben, les nouveaux divans sont très beaux. Ben oui, hein, la beauté de la fonction. Ils sont pas confortables, mais sont neufs. Bon, mais à force de les utiliser, ils vont devenir plus mous. Là, ils sont un peu rigides. L'endroit pour étudier, c'est aussi les cafés. Les cafés, ça, c'est une mode. Hein, c'est de se dire, hey, je suis cool, j'étudie dans un café. C'est cool, t'as un café, tu peux boire quelque chose. Mais tu sais, du café, là, c'est-tu quoi? Tu peux t'en faire chez vous. Ah, mais il est pas aussi bon, là. Non, mais l'affaire, c'est que... J'avoue que ça fait brancher un peu. Ouais. C'est pas que c'est pas bon d'étudier dans un café, c'est qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on fait. C'est que c'est cher aussi d'aller dans un café. Aussi, mais tu sais, faire une lecture dans un café, c'est pas la meilleure place. Faire un travail d'équipe, réviser pour un cours, faire un travail de session, c'est correct. Tu sais, ça demande moins d'attention. C'est ça, c'est correct, mais tout le monde parle autour de toi. T'as quand même la musique assez forte d'habitude. Oui. T'as le bruit des assiettes ou des ustensiles. Ben oui, puis moindrement que tu connais beaucoup de gens, ben... Ah, blablabla. Hey, salut. Tout le monde te salue, puis c'est difficile de dire bon, va-t'en. Aussi, étudier seul ou avec des gens, ça dépend de ce que vous faites. Hein, ça peut être des fois bien sans nécessairement étudier en parlant avec la personne, juste d'être à côté de quelqu'un qui étudie. Hein, ça peut être motivant. Ou pas. Ou moi, pas, j'aime bien étudier vraiment seul. Je, ouais. Je trouve que étudier avec quelqu'un, je sais pas, ça... Ben, ça dépend de ce qu'on a à faire. Ouais, c'est ça, t'sais, de la matière fois, aussi. Si tu veux passer un petit moment dans ta semaine juste pour échanger sur la matière avec quelqu'un, si t'as des questions, tout ça, ça peut ça être, peut être pratique. Mm-hmm. Vous savez quoi? Je vais me démentir. On va parler des préoccupations la prochaine fois quand on va parler de la gestion du stress, en fait. Parce que ça va être vraiment le thème qui va s'y prêter. OK. Je vais juste terminer avec quelques rapides conseils pour comment, en classe, être attentif et concentré, puis à la maison. Donc, en classe, faites attention d'abord, tout le temps, vous préparez à l'avance. Les lectures préalables, c'est pas pour rien que c'est des lectures préalables. C'est pas pour les fous, là? Non, pas non plus. Mais quoi que ceux qui écoutent, c'est fous. Jamais fait du tout, je m'en pense. Ben, c'est bien de le faire avant parce qu'en fait, tu sais, même si tu comprends pas tout, c'est fait pour. C'est juste pour t'introduire à la matière. Le prof, sa job, c'est de faire en sorte que tu vas comprendre un cours rendu dans la classe. Donc, faut se préparer avant, relire ses notes du cours d'avant. Assoyez-vous le plus proche du prof possible si vous le savez que vous avez tendance à perdre votre attention, concentration. C'est pas plus facile. Plus vous êtes en arrière, là, imaginez tous les écrans que vous mettez devant vous pour comprendre le prof. Dans le temps, en fait, là, dans le temps où il y avait le hockey, tu fais suivre les games de hockey. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est fou. Mais oui. En arrière, moi, tellement que ça. Tu ne regardais pas du tout le professeur. Puis... Non, mais c'est parce que tout le monde avec leur portable, en fait, écoutez en avant le toi, match. Okay. Oh, mais peut-être pas la première rangée, parce que la première rangée, sûrement que le professeur te demande tout le temps à toi si c'est des questions. Non, pas nécessairement. C'est une légende urbaine, ça. Beaucoup qui vont chercher même ceux qui sont en arrière, parce qu'on sait justement qu'ils sont moins attentifs. Donc, s'asseoir le plus en avant possible, ça vous évite tous les bruits de fond, toutes les images aussi parasites. Ça vous évite des questions. Oui. Puis essayez d'être actif tout le long du cours. Hein. D'abord, bon, si vous savez que vous avez de la difficulté à vous concentrer, peut-être prendre des notes à la main plutôt qu'à l'ordi. Parce qu'à l'ordi, ça devient mécanique. On a le temps de prendre du mot à mot de ce que le prof nous dit à l'ordinateur. Moi, souvent, parce que les étudiants, au début, quand je leur dis ça, ben là, les portables... Oui, mais c'est parce que tu vas être beaucoup plus actif si tu prends tes notes à la main. Ça va moins vite, donc tu n'as pas le choix de te concentrer plus sur ce que je dis puis de synthétiser que si tu prends toutes tes notes à l'ordi, que c'est du mot à mot, là, ça va très vite. Même si le cours est plate, même si c'est répétitif, je vous l'ai dit tantôt, donc essayez de décoder le professeur. Tous les professeurs ont des indicateurs d'importance hein, pour vous dire ça, c'est important, ça va être à l'examen. Subconsciemment ou ils font exprès? Il y en a que c'est inconscient, mais généralement, on a tous chacun notre façon de le faire. Par exemple, les résumés en début et en fin de cours. Souvent, on va dire « Bon, souvenez-vous, la semaine passée, on a vu telle chose. » Ou « Bon, aujourd'hui, on a vu telle chose. » Puis les étudiants font « Ouais, je m'en souviens, c'est correct. » Hey, réveillez-vous, là, quand le prof fait ça, il vous l'indique, là, c'est quoi qui est important. Ou quelqu'un qui dit « Bon, ça, on allume normalement quand le prof dit ça, mais à l'examen, tout le monde s'est fait prendre l'année passée. » Plutôt que vous dire « Elles sont bien niaiseux, ils se sont fait avoir », bien, prenez ça en note. Ça veut dire qu'on vous le dit que c'est important. Moi, quand je le demande à mes étudiants « Est-ce que tout le monde me comprend? C'est beau? Avez-vous des questions? » Puis là, je vais pointer c'est des important. Gens. Ça veut dire que je vais être sûr que tout le monde a compris. OK. Si tu donnes un cours une fois, je vais être attentif. Tu vas le savoir. Puis on a chacun nos façons de le faire. Il y en a que ça va être bon. Ils vont aller voir dans leurs notes, par exemple. Bon, moi, il ne faudrait pas se fier là-dessus, puis je me mets toujours à jour. Puis je regarde tout le temps mes notes, puis je vais être sûre de bien donner l'information. Mais il y a des profs qui, c'est vraiment parce qu'ils veulent être sûrs de rentrer dans leur cadre. Donc, essayez de décoder vos profs. Ça, c'est une façon d'être très attentif dans les cours. Mes étudiants, quand je leur parle de ça, sont très allumés. C'est très intéressant. Donc, beau sujet, hein? Il y en aurait pour deux chroniques facilement sur l'attention, la concentration, contrairement à ce que je pensais. Beaucoup de choses à voir. Brièvement, n'oubliez pas de ne pas étudier 4-5 heures en ligne. Vous allez prendre des pauses de façon inconsciente à partir de l'enlume. Vaut mieux se dire, je vais faire 50 minutes, une heure. Je vais prendre une pause. C'est moi qui décide quand je la prends. Mais j'ai fait mon heure d'étude. Donc, j'ai été actif, j'ai été productif, efficace. Prenez des pauses. Aussi, quand vous étudiez, fixez-vous des objectifs précis. Comme pendant la prochaine heure, ben, plutôt que de dire « je vais lire le chapitre 4 du cours d'économie », je vais lire la page 12 à 22. Comme ça, ça vous donne un objectif. Quand vous prenez votre pause, vous êtes fiers parce que vous avez atteint votre objectif. Okay. Donc, au niveau de la concentration et de l'attention, c'est la meilleure chose à faire, toujours de se fixer des objectifs. C'est valable pour tout le monde en tout temps. Plutôt juste d'y aller en gros avec quelque chose, ben, de vous dire carrément ce que vous voulez faire, puis après, vous prenez une bonne pause, puis vous revenez. Une bonne pause, c'est 10-15 minutes, là. Hmm? Pas 15 minutes, une demi-heure. Pas une heure, là. Et voilà. Donc, prochaine fois, on va voir comment mettre de côté les pensées parasites. Pas facile. Genre éteindre l'assemblage requis à la place d'étudier. Il y en a qui écoutent balado-diffusion toute la Des fous. Véronique Mire, on retient tout ça. On a pris des notes. Oui. Et on se retrouve dans 2 semaines. Super. Les lundis à 8h, 1 semaine sur 2. Merci beaucoup, Véronique. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Du bureau de la réussite étudiante. Bonne journée à toi aussi. On se quitte avec une pièce de Radiohead. Rapidement. Oui. On a le temps, c'est 2 minutes. Donc après ça, c'est Alexandra Carignan qui s'en vient avec sa chronique Le temps d'une culture. C'est là, au retour, on parle de culture avec Alexandra Carignan, Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Hello, hello, hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Requis. Maxime Tanguay nous reviendra avec un autre excellent groupe de musique indie. Maître Michel Lebrun nous parlera de d'autres dossiers chauds dans le domaine de la justice. Et David Perron aura un autre sujet à partager dans sa chronique La langue dans ton oreille. C'est beaucoup d'autres affaires. Je pense demain, 7h. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage Requis. Et vous aimez ça. Hey! Hey, on aime ça. Pas faux, ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais pas faux non plus. c'est toujours Assemblage Requis, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, il est quelle heure, là? 8h40? 8h40. Je dirais que... Ça va vite. Ce serait approximativement, plus ou moins, à quelques minutes près, le temps d'une culture... Salut Alexandra. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Oui, ben heureux de te revoir. Ben oui, par ce beau lundi. Quel excellent lundi, ensoleillé, hein? Ensoleillé. Ben oui. Ça fait froid, là? Un peu moins qu'hier, mais quand même. C'est plus que demain. Plus que voilà, plein de comparaisons. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que peu importe la journée, c'est sûr qu'il y a toujours des beaux moments de culture. Et là, je vous parle de 2 trucs. Premièrement, ben c'est sûr que j'ai mes lundis impro, là. C'est le lundi. Je vais vous parler de l'impro. Mais juste avant ça, je vais vous parler d'un nouveau groupe qui est arrivé dans la sphère musicale rock, qui est Machine Gun Suzy. un excellent groupe dont j'ai rencontré la chanteuse pour faire un article dans Zone Campus qui va paraître demain. Donc, si vous voulez l'intégrale, garochez-vous sur le journal Zone Campus. Machine Gun Suzy, en fait, c'est un groupe rock stoner de Québec. Et ce sont juste des filles qui ont décidé de partir ça par elles-mêmes. Des filles qui sont très occupées. Il y en a certaines qui ont d'autres groupes de musique. D'ailleurs, la chanteuse a fait partie des Hellcats à Québec, qui est un groupe très, très, très connu dans la région. Bref, c'est vraiment des filles de la sphère musicale qui ont décidé, ben, moi, ça me tenterait de travailler avec toi. Ça te tente-tu de faire un groupe? Et c'est comme ça qu'est né Machine Gun Suzy, un rock très rafraîchissant. Moi, je suis pas une grande fan de rock stoner. J'ai aimé ça. Quand même, ça le dit, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Et ce qui est le fun en spectacle, ce qu'on m'a dit, malheureusement, moi, je les ai manqués à Trois-Rivières lorsqu'elles sont venues, mais en spectacle, ce sont des bêtes de scène et elles sont excessivement bonnes. Faut dire aussi que Machine Gun Suzy, ça se veut très, très lourd tout de même. C'est une ambiance où est-ce que la basse est très présente, la batterie aussi. Et si on écoute le CD, c'est très lourd, mais c'est ce que les Machine Gun Suzy voulaient. La chanteuse Yvonne me disait que les producteurs ont essayé de rendre ça un peu plus écoutable, entre parenthèses, là, plus radiophonique. Ouais. Et elles se sont battues pour ne pas que ça soit radiophonique. Ah, tant mieux! Elles ne voulaient pas que la voix soit plus forte que les autres instruments. La voix est un instrument au même titre que la basse et la batterie. Donc, t'entends pas les paroles nécessairement quand... Ben, on entend les paroles quand même très, très bien. Okay. Mais c'est pas top clean. Ça se veut un rock stoner ou est-ce que les paroles, on les entend, mais sont aussi présentes que la basse et le drum. OK. Alors, mais ça donne... en fait, c'est ce qui est beau quand on écoute le CD, c'est qu'on ça sent l'authenticité. Ça, c'est de A à Z. C'est pas trop travaillé, c'est pas... C'est sûr qu'elle le dit, c'est fait avec les moyens du bord, c'est leur premier CD, c'est pas fait par une grande... Compagnie de disques. Mais pour elle, en fait, peu importe la manière que c'est mixé, si c'est bien fait... Ça rend un CD qui est très, très bon. D'ailleurs, le CD n'a pas du tout l'air d'un CD fait sur le moyen des barres. Là, une très belle pochette en origami. Le CD s'appelle... ben, pas la pochette en origami, mais il y en a... le CD se plie pour se mettre dans le lecteur. Se plie en origami. Non, mais sincèrement, dans le livret de parole, il y a une feuille d'origami pour qu'on puisse faire une grue. Parce que le logo... C'est l'animal, pas le véhicule. Pas le véhicule, non. Okay. L'animal, la grue. Hein? En fait, l'oiseau là, qu'on peut faire en origami, là, qui est fait... partout. Là, je pourrais vous compter les légendes là-dessus, mais je le ferai pas. Fait que, dans le fond, il y a une feuille d'origami dans le livret. Tu m'as titillé, là. Je t'ai titillé, parce que je donne des cours d'origami. Pour vrai? Ouais, pour de vrai. T'es capable de tout faire ça, toi, là? Oui. Ah. Oui. Elle, une petite grue, c'est pour les débutants. Ouais, c'est ça. Moi, je fais des étoiles ninja, je fais des pandas. Ah ouais. Ça m'impressionne quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais tuer quelqu'un avec ton étoile ninja? Ça fait... Sincèrement, là, ça fait mal. Paper cut. Les pics. Non, mais. With an uppercut. Tu pourrais comme graphier un œil, là, si tu t'enlignes comme faux. Ben voyons. Mais en même temps, c'est du papier qui est très, très pointu. Puis, dépendant, avec du papier d'origami, c'est très fin. Fait que ça va être c'est pas du papier piquant. Normal. Là. Mais si tu peux faire des étoiles ninja avec du papier normal, mais là, c'est sûr qu'il est moins piquant, mais il est beaucoup plus dur. Fait que si tu donnes la force à ton étoile ninja, aïe aïe. En tout cas. C'est une belle parenthèse. Tout ça pour dire que le CD des Machine Gun Suzy, A Black Paper Horse, est sorti. C'est très, très bon. C'est un groupe de Québec. D'ailleurs, la chanteuse sort avec... avec un membre de Full Blood. Juste son bras? Oui, oui. Bon. Elle sort avec un membre. Elle sort avec un membre, un musicien. Elle fait rire à chaque fois, même si c'est pas drôle. Un musicien de Full Blood, qui est un groupe de Trois-Rivières qui est reconnu pour pitcher du sang durant ses spectacles. Ben, en fait, un groupe. Du faux sang. Du faux sang, on va dire. Pour rassurer. En fait, c'est Alexandre Desty, Pierre Brouillet-Hamelin. En fait, il y a aussi Sébastien Dulude, ouais. qui fait sa chronique dans le journal Zone Campus. Et Assemblage requis les lundis. Perpendiculaire à ceux de Véronique Mille. Exactement. Alors, c'est en fait, ils ont, quand ils ont fait fait leur lancement d'album ici à Trois-Rivières, Machine Gun Suzy. Ils l'ont fait en compagnie de Full Blood. C'était un spectacle qui s'est passé au Zenob. Moi, je n'ai pas pu y aller puisque je n'étais pas en ville. Mais ceux qui ont été, je vous envie beaucoup. Si je vous ai titillé avec le groupe Machine Gun Suzy, premièrement, vous pouvez aller voir leur Bandcamp où est-ce qu'il y a toutes les chansons dessus. Ça vaut vraiment la peine, sincèrement. C'est très, très bon. Et je dis que live, c'est exceptionnel. Si vous dites, ça serait intéressant d'y voir, ils vont justement être au Divan Orange le 19 janvier prochain. Le Divan Orange, je sais pas rien, c'est une des boîtes émergentes, une des scènes émergentes de Montréal. Et d'ailleurs, c'est sous l'invitation du Divan Orange qu'ils vont performer le 19 janvier prochain. Alors, ça vaut la peine. Est-ce que c'est trop intense pour jouer une chanson le matin? Pas du tout. Est-ce que ça te tente? Ça me tente donc bien. Allons-y, c'est la pièce Four-Headed Suzy, voilà, de Machine Gun Suzy et Assemblage Requis tout de suite. Ça va être intense, mais pas trop. Susie has four heads, one in her hand by the shore of her heart. Follows a rhythm of life, dreaming by her intent. Some are hitting her close, some are linking metal. musique de drogués. Ben oui, c'était Four-Headed Susies du groupe Machine Gun Susie, un groupe de Québec que je vous ai présenté ce matin. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont très, très bonnes. Elles sont très, très bonnes. Ben, j'ai fait « ils sont très, très ». J'ai fait « hmm ». Et là, pendant ce « très, très », je me suis dit « oh, j'ai dit « il », mais en fait, j'aurais dû dire « elle ». Bon, je fais « changer ma phrase », finalement, elle est bonne. Voilà. C'est une belle anecdote, ça. Ben, et bon, alors c'était pour la partie musicale de la chronique. Maintenant, je vais vous jaser d'impro. Oh! Je vais faire un petit recap sur ce qui s'est passé à la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Le 12 novembre dernier, à la Chasse-Galerie, la Luître présentait un match opposant les Verts et les Oranges pour une deuxième fois cette saison. Comme à tous les matchs depuis le début de l'année, on aime ça. Ça a été très, très serré. Il était difficile de conclure, en fait, qui allait gagner. Les Oranges, par exemple, avaient un membre manquant. Un bras, je te gagne. Une jambe, là. Fait, leur capitaine, Alexandre Laramizouaki, se chauffait la couenne. Leur substitut, qui était un nouveau, en fait, cette année, pour la première fois, il a joué à la Luître. Alexandre Marchand l'a remplacé. Donc, c'était Magali Brousseau-Arcan, Alexandre Marchand, en 1-1, Francis Sasseville et Myriam Cloutier. Et pour ce qui est des Verts, c'est en formation complète habituelle. Donc, Dave Bellé, Alex Drouin, Vanessa Fortier et Antoine Lacasse. Comment ça fonctionne, les remplacements, les substitutions? Est-ce que c'est quelqu'un t'attends sur le banc que quelqu'un soit malade non, ou pas là? Non, en fait, durant le camp de recrutement, chaque capitaine fait son équipe avec quatre joueurs qui vont être réguliers et choisit dans le camp un joueur substitut toute l'année qui va... jouer juste quand il y a une absence. Qui va jouer quand il y a une absence. Au cas où. Mais le substitut n'a pas nécessairement besoin d'être là à tous les matchs. C'est comme de « Hey, j'ai envie de pisser, va me remplacer. » C'est pas ça. Tag team. C'est normalement un joueur avertit son capitaine qu'il ne pourra pas être là à tel match et le capitaine contacte son substitut pour qu'il puisse venir jouer. Qui est super jouer. Stressé puis qui... non? Oui, souvent les substituts sont stressés. Mais ça dépend. Ça dépend en fait. Certains le sont deux fois moins. Des fois, il y en a qui sont substituts mais que dans le fond ont déjà joué à la Luître en tant que joueur régulier, mais que cette année, ils ne pouvaient pas le faire tout le temps. Ils ont été downgradés par le capitaine qui l'ont pas choisi comme joueur complet. Qui disent « Ah, veux-tu faire le remplacement? » Non. Ben non, mais en fait, je pense pas qu'il y ait de... Moi, je ne suis pas capitaine. Non, je sais pas comment... Je vous raconte comment ça se fait, mais je l'ai jamais vécu. Alors, donc cette année, cette année pour les Oranges, c'était Alexandre Marchand. Donc, les Oranges et les Verts qui ont joué très serré. Les Verts avaient deux points de plus à l'arrivée de l'entracte face aux Oranges, mais les Oranges se sont rattrapés assez rapidement. D'ailleurs, ils ont enfilé pas moins de 4 victoires de suite durant la deuxième partie. Oh. Alors, ils se sont dit « Ah ouais, les Verts! » Et d'ailleurs, on va noter l'impressionnante improvisation faite à 100% d'accent mexicain. D'accent mexicain. Les joueurs, ben en fait pas tous les joueurs, mais ceux qui sont embarqués avaient un accent mexicain. Ça a été gagné par le. Non, ils ont réussi. Ça a été gagné par le joueur Sasseville de l'équipe des Oranges, ce qui a mené à l'égalité entre les deux équipes. Donc quand même, mais là on était à 3 improvisations avant la fin du match, l'égalité était arrivée. Oh là là, mais que savions-nous faire? Mais les Verts ont répliqué en gagnant 3 impros. En gagnant 2 impros face à une des Oranges. Donc ça l'a fini par un score de 6-7 pour les Verts. Les étoiles du match ont été pour les Verts. En fait, du côté des Verts, ça a été Alexandre Drouin. Et du côté des Oranges, c'est la capitaine remplaçante, Magali Brousseau-Arcan, qui l'a eu. Alexandre Drouin, c'est vraiment Alexandre son prénom? Alex Drouin. Ouais. J'ai-tu dit Alexandre? Ouais. Je sais pas si c'est son prénom. Non. Drouin, je m'excuse. Parce que s'il m'écoute en ce moment, il va être fâché. Ouais. C'est Alex Drouin. Je m'étais mélangée à cause d'Alexandre Marchand. Alex Drouin, c'est pas Alexandre. Non. Mais Alex Drouin, il était pas déménagé ailleurs, puis il est revenu. Je comprends. Non. Non, il n'est pas revenu. Ben, il est revenu, ben oui, je sais pas pourquoi. Ben, en fait, je sais pas de quoi. Non, il n'est pas parti ailleurs, Alex Drouin, il me semble. Il me semble qu'il n'était plus dans la ligue. Drummond, Victor, ouais, genre. Ben, non, mais oui, il est à la ligue. Il est aux deux. Il est aux deux, en fait. Parce qu'en fait, tu peux être. Alex Drouin avait pris une pause il y a 2 ans d'improvisation. Il avait animé. Oui. Mais il était encore à l'université. Fait que l'année passée, il a refait la ligue. D'accord. Et il n'a pas fini encore. Ben là, je pense qu'il. Il dépose son mémoire comme... Incessamment. Incessamment. Je me souviens plus, mémoire. Il est encore à l'université. Donc, on l'a repris dans la ligue cette année. Alors, oui, il est encore là. J'en ai aussi des questions impertinentes. Il joue aussi à la Livre de Victoriaville tous les vendredis. Ben, pas tous les vendredis, mais la livre, c'est bon, hein? On va faire. Alors, donc, c'est ça. Et du côté de l'arbitre, l'étoile a été décernée à Francis Sasville des Oranges. Alors, c'est les Verts qui ont gagné ce match, mais il faut dire que les Oranges manquaient leur capitaine, qui est le joueur un peu bonbon de la ligue. Alors, quand même, pour qu'ils aient perdu partiellement un point. Oui, Alexandre Laramie-Zwicky. Il y a tellement d'Alexandre dans vos équipes, ça n'a pas d'allure. C'est comme Assemblage Rocky, il y a comme Kings Maxime, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Alors, on va peut-être laisser une chance aux Oranges encore de se défendre. Mais ce soir, ce sera aux Bleus et aux Verts de s'affronter à la Luitre, donc à la Chasse-Galerie, dès 20h. Les Bleus qui manquent une de leurs joueuses, Juliane Pelletier n'est pas là ce soir, elle sera remplacée par Mathieu Bernier ou Danish. Alors voilà. D'accord. Ce soir, ne manquez pas l'improvisation. 20h. Évidemment, c'est gratuit. C'est gratuit, évidemment. Et écoute, c'est du bon temps. C'est à la Chasse-Galerie. La bière est pas chère à la Chasse-Galerie. Franchement, on va tout se le dire. Ça vaut la peine. Il y a tout le temps des hot dogs qui se donnent aussi. Le stuffin, tabarouette. Mais où veux-tu être? Sinon, à la Chasse-Galerie les lundis. Moi, je me le demande. La bière est pas chère, tabarouette. J'aime l'intro, tabarouette. Je suis Alexandre Carignan. Tabarouette. La bière, tabarouette. Je suis Alexandre Carignan. Mais là, je peux pas parce que je suis antibiotique. Mais je vais boire un café à votre santé. Je suis tout le temps malade, je suis Alexandre Carignan. Oui, ça, c'est vrai. Je suis avec Maxime Tanguay, je suis Alexandre Carignan. Oui, c'est vrai. Je connais Maxime Tanguay. Merci, Alexandra. Merci. Alors, voilà, ça me fait plaisir. T'es fine, t'as des beaux cheveux. Mon Dieu, merci. Tabarouette. Qu'est-ce qui se passe avec toi, maintenant? Qu'est-ce que t'as me demandé, Mathieu, là? Est-ce que tu parles pas cette semaine? Oui, je suis là, mais à moitié. Ah, bon. J'aime ça. Une moitié, c'est mieux qu'un rien ne vaut mieux que deux, tu l'auras. Une moitié. À la semaine prochaine, lundi à 8h30. Exactement. On t'écoute au boudoir, évidemment. Oui, boudoir ce soir avec la magnifique Mélissa Beaupré. Oui. Voilà. Sur un accent mexicain comme ça. Non, je suis pas capable. Vas-y. Chinatown. C'est soirée. C'est... On vient puis on se bat après. Ok? Ok. Cassez-moi la tête de Chinatown, assemblage requis. C'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Avant de dire ce que demain, aujourd'hui, on remercie Alexandra Carignan. Oui, Véronique Mire aussi. Ouais, pas mal ça. Oui, Mathieu Plan. Ouais, toi, François-Olivier Marchand. Demain, à l'émission, on aura, qui est-ce qu'on aura? Maxime Tanguay. Oui. Après ça, Michel. Michel Lebrun. Mike Brown. Yeah. Et pour terminer, le dessert, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? La cerise sur le mardi. C'est ça, sur le mardi. C'est beau, ça. Que ferions-nous sans David Perron? Que ferions-nous? Yeah, boy. Alors, c'est David Perron avec la langue dans ton oreille. Demain matin, entre 7h et 9h. Reste à l'écoute. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, l'examen final avec Maxime Tanguay et Simon Fitzbé. À 14h, Alexandra et moi serons là, en différé, pour les palmarès, c'est fou. À 18h, Alexandra sera là en direct pour le boudoir. Oh yeah! Je m'agenouille. À 19h, le voyage insolite avec la culture rock, cinéma et littérature fantastique. Je sais pas si c'est le cinéma et la littérature qui sont fantastiques ou c'est du cinéma et de la littérature qui, elle, est fantastique. C'est selon, hein. On se quitte avec une pièce de qui donc? Winter Gloves. Mettez vos petits gants d'hiver. Ah, oh, ben oui. Les petites mitaines. Ça joue bien du piano, la petite mitaine. Ouais, pas le choix. Parce que voici la pièce Piano for Hands. Je joue bien pour des gars qui jouent avec des gants. Ouais. Ils sont bons. Bye bye.